Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième podcast footballred.com spécial Coupe du Monde. Alors avec Baptiste et Stéphane, que vous allez découvrir très bientôt, nous reviendrons sur la piètre performance de l'équipe de France qui s'est inclinée hier soir face au Mexique 2-0, ainsi que sur la défaite de l'Allemagne face à la Serbie 1-0. Une Allemagne qui avait pourtant impressionné lors de son premier match en gagnant 4-0 face à l'Australie avec un 4-2-3-1 parfaitement en place, mais bon, qui aujourd'hui a déçu et nous en parlerons tout de suite avec les intervenants. On accueille donc Baptiste, comme tous les jours, pour le podcast. Salut Baptiste. Salut Albertine, salut à tous. Et aujourd'hui, notre invité est Stéphane, 29 ans et supporter de Newcastle United. Bonjour tout le monde. Alors tiens, on n'a qu'à commencer par la récente défaite de l'Allemagne 1-0 face à la Serbie. L'Allemagne qui avait pourtant éclaboussé de toute sa classe, on pourrait dire ça, en gagnant 4-0 son premier match face à l'Australie, et qui pourtant aujourd'hui a peiné, notamment après l'expulsion de Klose et quand ils se sont retrouvés à 10 face à la Serbie. Baptiste, un mot sur ce match ? Ah bah c'est la déception, parce qu'on attendait vraiment l'Allemagne après le 4-0 contre l'Australie. Il va falloir réagir, de toute façon ils sont dans l'obligation de réagir contre le Ghana, ça semble normal, normalement ça semble possible. Après on a vraiment l'impression que c'était le match où ils arrivaient à rien faire. Donc je sais pas vraiment quoi en penser, on a été sublimés et puis là on est déçus, on reste un peu sur notre faim. Oui, peut-être que le premier match contre l'Australie était peut-être un peu un trompe-l'œil, puisque l'Australie a quand même joué à 10 à partir de 2-0, je pense. 4-0, ça me paraissait un peu sévère, même si c'est vrai que l'Allemagne avait produit le plus beau football de la Coupe du Monde jusqu'à présent. Mais la Serbie, c'est solide, c'est jamais facile à jouer, et quand ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Donc voilà, bah, comme a dit Baptiste, réaction contre le Ghana obligatoire s'ils veulent pas passer à la trappe. Alors soit les Serbes repartent avec les 3 points en poche et une victoire précieuse face à l'Allemagne, mais est-ce qu'ils vous ont surpris et donné l'impression d'une équipe pouvant aller loin dans ce mondial ? Pas du tout. C'est comme au match contre le Ghana, c'est une équipe... Bon, elle a produit plus de jeux là, mais elle était obligée de toute façon de réagir elle aussi. Il fallait gagner celui-là et gagner le prochain contre l'Australie, et à mon avis c'est carrément possible maintenant. Ils ont été bons en première période, en deuxième je les ai trouvés... Ils ont joué le coup en même temps en attendant les Allemands pour jouer en contre, mais le problème c'est que t'as pas l'impression qu'ils ont les joueurs pour jouer en contre. Zigic, il est lent et il attend les ballons sur sa tête. Il en a eu un, bah forcément ça a failli rentrer. Heureusement, parce que sinon il était mis dehors. Et puis t'as ce joueur, Krasic, là, qu'on pense être un des meilleurs, ou qui doit normalement un peu dynamiter les équipes adverses. Pour moi, il n'est pas sensationnel. Après, ça reste mon avis. Krasic, qui est notamment annoncé à la Juventus Turin. Est-ce que pour vous, il y a eu des erreurs de la part du coaching de Joachim Löw ? Des erreurs, non, pas forcément. Peut-être que, effectivement, le fait rentrer le Marine à, je dirais, une demi-heure de la fin, peut-être, bah après c'est facile à dire, mais peut-être plutôt aller chercher Mario Gomez, qui à mon avis a vraiment faim, et qui aurait peut-être pu, avec le carton rouge de Klose, manquer peut-être justement cet apport devant. Peut-être que Gomez aurait pu faire la différence et aller chercher l'égalisation, mais bon, pas forcément évident. Mais une erreur, non, je dirais pas une erreur, forcément. Faire rentrer Cacao, c'est ça qui me gêne un peu, quand t'es dans le système. Contre l'Australie, il le fait rentrer, il y a 3-0, et puis il marque, et c'est dans la dynamique de l'équipe. Mais le faire rentrer quand on est mené comme ça, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui auraient peut-être pu jouer un rôle au milieu offensif. C'était plus important que Cacao, qui est pas bon quand il s'agit de jouer au milieu. Et là, l'Allemagne avait besoin d'un Balak, presque, pour jouer au milieu, puisque l'âme n'a pas été fantastique, et surtout Schweinsteiger n'a pas été au top. Donc c'est toute l'équipe qui a été un peu moins bonne, mais elle se sentait aussi vraiment attendue. Après, je pense que Ozil a montré qu'il était toujours là, et pour moi, Podolski a été bon. Alors tout le monde dit qu'il a été mauvais, pour moi c'est le seul, quand Klose est sorti, qui a commencé à faire quelque chose et aller vers l'attaque. Celui que je sentais en meilleure forme, parce que Klose, il fait cette erreur, et puis Müller qui est quand même toujours là. Après, les joueurs sont quand même présents et sont dans la moyenne, mais il fallait le même état de forme, voire mieux que contre l'Australie, parce que c'était très facile à priori. On peut parler un peu arbitrage, parce que l'arbitrage a quand même été assez décrié sur ce match. Pour vous, est-ce que l'expulsion de Klose est méritée ? Ouais, bah c'est le problème, je dirais, dans toutes les Coupes du Monde. Hein. C'est la Coupe du Monde, mais c'est aussi la Coupe du Monde des arbitres. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec un arbitre ouzbek qui arbitre le match d'ouverture, avec l'arbitre japonais, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément habitués au plus haut niveau. Là, c'est un arbitre espagnol, je crois. Mais c'est vrai qu'il a sorti la rafale de cartons sur les premières, entre la 20e et la 35e minute. Je ne sais plus, il faut regarder les statistiques, je ne sais pas combien de cartons il a sorti. En tout, il y a 8 cartons sur le match. Voilà, 8 des cartons sur le match, dont je pense, on va dire, 6 ou 7 en première mi-temps. Mais 9. Donc à partir de là, moi je dirais qu'effectivement l'arbitre s'est peut-être un petit peu trop lâché sur les cartons au départ. Maintenant, quand on voit, je pense à Clauseau notamment, quand on voit un arbitre qui commence comme ça à avoir la gâchette sur les cartons et à ne pas les arrêter, et je dirais qu'on essaie de maîtriser ses nerfs, et je sais que l'arbitre, il va forcément sortir les cartons comme ça, et pour moi, le deuxième tacle, il n'est pas forcément nécessaire, il est loin, il ne sert à rien. Voilà, c'est peut-être justement le moment de maîtriser ses nerfs, mais après, c'est vrai que bah, l'arbitre a été peut-être un peu too much au niveau des cartons jaunes. Quoi. Moi, là où je trouve qu'il est à son apogée dans le match, l'arbitre, c'est quand il met un carton jaune au Serbe qui va fêter le but avec ses supporters. Ça, je trouve ça bon. C'est-à-dire que un des liens qu'il y a entre les supporters et les joueurs, bah, si tu l'utilises quand t'es joueur, bah, on va te mettre un carton jaune. Donc ça incite à aller voir tes supporters quand tu marques, c'est bien. C'est complètement idiot et cet arbitre a été de toute façon dépassé par le jeu et par l'intensité qu'il y avait dans le jeu, et il fallait peut-être en laisser un petit peu. Il y a des joueurs qui sont habitués à jouer dans des très bons championnats où on siffle pas tous les 20 mètres, toutes les deux fautes, etc. Il faut laisser un petit peu d'avantage. Il en a laissé quelques-uns, ou des fois même c'était des décisions un peu étranges. Donc l'arbitre très très moyen, et pourtant c'est pas un arbitre qu'on découvre, parce qu'il est en Espagne et qu'il connaît le haut niveau normalement. Et le fait qu'il y ait beaucoup de cartons dans ce match, ça a notamment fait perdre à la rencontre un peu de son intensité, ce qui est assez regrettable en Coupe du Monde, mais bon. Bon, passons à nos Bleus maintenant, qui sont quasiment éliminés de cette Coupe du Monde 2010 après leur défaite 2-0 face au Mexique. Les Mexicains ont d'ailleurs très bien joué, hein, tout le mérite leur revient, mais une équipe de France complètement catastrophique, comme on avait rarement vu, qui a jamais su se créer des occasions franches, enfin, qui n'était pas du tout dans le coup hier, et comme si c'était l'apogée en fait d'un travail réalisé par Domenech qui n'aura jamais fonctionné. Ah bon, on s'en rend compte, ouais, c'est bien, parce que ça fait 6 ans maintenant, et on s'en rend compte en 2010, c'est pas mal. Le truc, c'est que maintenant, on va cracher sur Domenech, c'est pas le seul. Il faudra cracher aussi sur Escalette et toutes les instances du football français qui l'ont prolongé en 2008, faut se le rappeler. Alors qu'en 2008, on a fait un très beau parcours à l'Euro, puisque je crois qu'on est sorti après 3 matchs. On va refaire ça cette année, c'est cool. C'est bien pour le football français, ça, c'est des bonnes dynamiques. On pose de très bonnes bases. Non, j'ai l'impression qu'on vit un peu dans le passé en pensant encore à 98 et 2000. C'est terminé, ça. Il faut virer tous les joueurs qui ont participé à tout ça, parce que maintenant, il faut se consacrer sur une nouvelle dynamique. Tu vois, des équipes comme le Mexique qui vont connaître là des années sûrement très belles, parce que vu l'équipe et le talent qu'ils ont dedans, à un moment donné, ça va éclore et ça va être à maturité tout ça ensemble, et ça va faire une superbe équipe. L'Espagne est en train de vivre ces heures-là. Il faut que nous, on les provoque ces heures-là et qu'on aille les vivre, parce que là, on en a tous marre. Et il s'est bien foutu de nous, les instances, parce qu'on va pas dire le père Domenech, parce qu'il en prend trop. En fait. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Maintenant, enfin, moi, Domenech m'a presque fait de la peine hier soir, pour être honnête. Je suis le premier à avoir été un peu déçu même quand il a été nommé, ça fait 6 ans. Maintenant, je veux dire, quand on voit, je sais pas si vous avez vu cette image, mais de le voir rentrer, je dirais 4-5 minutes sur la pelouse pour la deuxième mi-temps avant les joueurs. Je pense que ça veut bien dire que lui, il a démissionné, il a donné les clés aux joueurs, les Ribéry et compagnie. Et voilà, derrière, il y a personne qui a assumé. Donc, moi aujourd'hui, je mettrais plus un flash sur les joueurs qui n'ont pas réussi à assumer. Je pense notamment à la triplette magique Galas, Anelka, Ribéry, qu'autre chose. Maintenant, pour reprendre ce que disait Baptiste, effectivement, on est à la fin d'une ère, je dirais. Et on parlait de l'Allemagne il y a 2 minutes. Et ça me rappelle un peu l'Allemagne qui fait sortir en quart en 98, un Euro 2000 vraiment pas bon. Bah, ils ont mis un énorme coup de balai dans tout. Ils sont partis de zéro. Et là, on se retrouve avec une équipe qui joue au foot. Bon, même s'ils ont perdu aujourd'hui, mais avec une équipe qui joue au foot. Qui fait demi-finale en 2006, qui pratique un bon football, le championnat allemand, il est reparti de zéro, tout est sain. Donc voilà, je pense qu'il faut que la France prenne un peu exemple là-dessus aussi. Et l'Allemagne qui fait aussi finale d'ailleurs à l'Euro 2008. Pour revenir... La Coupe du Monde 2002, non ? Ouais, c'est vrai aussi, ouais, Coupe du Monde 2002. Pour revenir au match en fait d'hier, et notamment au Mexique, ce qui manque, je pense, cruellement à l'équipe de France, c'est-à-dire qu'au Mexique, il y a un vrai meneur de jeu, il y a un vrai patron en fait, qui est Rafael Márquez et qui est notamment le capitaine de cette équipe. Bah, est-ce que c'est pas ça qui manque justement en France, où Ribéry s'affirme être le leader, mais quand on voit sa prestation d'hier, ça n'a absolument rien d'un leader. Le seul qu'on avait capable de faire ça, c'est Gourcuff, et a priori les joueurs l'ont mis à côté en disant bon, ce mec-là, on n'en veut pas avec nous. C'est bien parce que là, il y avait vraiment besoin d'un milieu qui soit très bon parce que je sais pas si vous avez vu, mais au milieu, c'était là que ça jouait le match hein, parce que après les défenses étaient complètement friables, les attaques étaient à fond, même si un peu moins du côté de la France. Donc ça se joue au milieu et puis formidable, on avait un milieu avec deux milieux récupérateurs. Bon, même si Diaby a été bon, il n'a pas été non plus génial parce que bon, il vient d'arriver, hein, il faut pas non plus se reposer dessus. Tu gardes après les choix Govou, Anelka, voilà, mais ne pas mettre Gourcuff, c'est l'erreur pour moi. C'est un mec qui a du talent et on va s'en priver alors que tu as vraiment des gars qui ne tiennent rien. Donc voilà, Toulalan a fait son dernier match hier pour cette Coupe du Monde, a priori si on se qualifie pas, et j'espère voir Gourcuff contre l'Afrique du Sud. Et contre l'Afrique du Sud, ça sera la tournée d'au revoir de Domenech, et peut-être qu'il aura des bonnes inspirations pour une fois, mais là, c'est même plus de l'espoir, c'est du rêve. Mais est-ce que justement Domenech, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il décide en fait de faire un peu ce que demande le peuple, c'est-à-dire qu'on avait demandé un 4-3-3, il a fait du 4-3-3 pendant les matchs de préparation, là les joueurs demandent d'évincer Gourcuff, il évince Gourcuff, est-ce que justement c'est pas lui qui a décidé en fait dans sa tête qu'il avait démissionné et que maintenant c'était complètement aux joueurs de se démerder et qu'il allait faire justement ce qu'il demandait? Ouais, mais pas forcément parce que ça a marché en 2006. Enfin, si on se rappelle bien ce qui s'est passé en 2006, on fait 0-0 et un partout, on n'est pas sûr de se qualifier avant le match contre le Togo. Je veux dire, c'est de renommée nationale, tout le monde le sait que Domenech s'est fait encadrer dans son bureau par Makelele, Vieira et Zidane, je crois, qui lui ont dit, il ne faut plus continuer à jouer comme ça, il faut qu'on joue comme ça. Domenech les a écoutés, on est passé dans le système, c'était quasiment de l'autogestion. Donc peut-être que lui, dans sa tête, il s'est dit, si ça a marché une fois en 2006, et ben, on retente le coup, je sais pas. Franchement, je ne sais pas ce qui a pu lui passer par la tête, mais ça n'a pas marché là ce coup-ci. Il l'avait prévenu après avant la Coupe du Monde en disant que soi-disant en 2006, il avait été le relais entre ses joueurs et tout ce qui est extérieur, etc. Là, il les laisse un peu face à leur destin. Donc, c'est complètement. C'est pas son rôle, mais maintenant, et c'est vrai que lui, il fait ça et puis après, il part. Donc, ça peut peut-être même pas être pire de laisser la gestion aux joueurs, tu vois. Alors, Malouda n'avait pas été titularisé face à l'Uruguay. Hier, il a été de loin le meilleur Français sur la pelouse. Alors, d'après vous, malgré le fait que ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas revenir dans le passé sur ce qui a été fait, en le titularisant face à l'Uruguay et en apportant un apport donc plus que bénéfique à l'équipe de France, on aurait pu donc gagner ce match et donc arriver dans une situation beaucoup plus favorable face au Mexique? J'ai surtout l'impression qu'on a régressé là, en regardant de l'Uruguay au Mexique. Et on a régressé parce qu'en face, contre l'Uruguay, il y avait une équipe qui ne voulait pas perdre. Contre le Mexique, il y avait une équipe qui voulait gagner. Et je me suis dit, c'est bien qu'on ait une équipe qui va gagner en face parce qu'on va être obligé d'élever le niveau de jeu. Et souvent, l'équipe de France est assez forte et se retrouve bien dans ces situations-là. Bah, pas du tout. On a pris l'eau, même si on a eu des occasions et que Malouda en a eu une très belle et c'est sûrement la seule très nette de l'équipe de France hier soir. Ils sont sortis et puis même eux, ils disaient que voilà, c'est terminé. Après, mettre Malouda contre l'Uruguay, je pense pas, t'as raison, qu'on peut réécrire l'histoire. Mais si tu mets Malouda, t'es obligé de déplacer Ribéry. C'est le problème qu'on a depuis très longtemps. C'est Ribéry et Malouda, c'est un poste pour deux. Et pour deux très bons joueurs, même si je pense que Ribéry est un peu en dessous de Malouda sur cette année. Mais ça ne regarde que moi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, le problème Ribéry, c'est que ça fait un an qu'il dit je serai le patron de l'équipe de France et de toutes les façons, mon poste, c'est à gauche. Raymond Domenech l'écoute et ne veut le mettre qu'à gauche. Derrière, on dit on va le changer et maintenant, on veut le faire jouer numéro 10. Alors, enfin, c'est peut-être méchant ce que je veux dire, mais pour moi, être numéro 10, c'est quelqu'un comme Gourcuff qui peut poser le ballon, regarder ce qui se passe et réfléchir. Pour moi, Ribéry, c'est un mec qui percute, qui peut faire la différence sur un côté, mais qui jamais pourra poser le ballon et distribuer les passes dans le bon timing ou lancer quoi que ce soit. Maintenant, Malouda, pour revenir à Malouda contre l'Uruguay, ça change rien, il ne peut pas jouer tout seul. Malouda, il ne peut pas jouer tout seul. Et encore une fois, si on fait jouer Malouda contre l'Uruguay, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire jouer Ribéry dans l'axe? Et pour moi, Ribéry dans l'axe, c'est pas non plus du tout une solution. Donc, pour moi, ça n'aura rien changé. Alors, ce que les auditeurs de footballride.com en ce moment ne savent pas, c'est que Stéphane habite depuis 3 ans en Irlande. Alors, l'Irlande, tout le monde se souvient du match de barrage qu'on avait eu à disputer face à eux en novembre dernier et dont on était ressorti un peu comme des tricheurs avec la main de Thierry Henry. Alors, Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer comment a été vécue cette défaite dans les pubs irlandais ou en Irlande, tout simplement? Ça a été fêté à la bière, tout simplement. C'est la fête. Ça a commencé le premier match contre l'Uruguay, où pour la première fois, j'ai vu des maillots et des drapeaux uruguayens sortir dans les rues et des Irlandais. Hein. Donc voilà, c'est pas méchant forcément, mais c'est vraiment de la chambre. C'est fait dans le bon état d'esprit, c'est-à-dire que c'est pas, je dirais, la relation amour-haine que peuvent avoir les Français et les Italiens, ou les Irlandais et les Anglais. Non, c'est vraiment fait dans un bon état d'esprit. Les buts, ça chambre, mais ça n'empêche pas à la fin de payer des bières, etc. Mais c'est vrai que c'est très chambreur et qu'ils vont. Je pense même que s'il y a un Angleterre-France, ils vont supporter l'Angleterre. Très honnêtement, je pense qu'ils en sont arrivés là. Parce qu'ils ont vraiment l'impression de s'être fait voler, ils ont vraiment l'impression de devoir être ici à notre place, et ils ont l'impression aussi qu'ils feraient peut-être mieux que ce qu'on fait maintenant. Et là-dessus, je ne peux pas forcément leur donner tort. Alors, l'Irlande ne participe donc pas à cette Coupe du Monde. Est-ce que malgré tout, cet événement majeur footballistique est suivi de très près dans ce pays? Et voilà, c'est ça, c'est une culture. Il faut quand même savoir que c'est la Première Ligue, c'est tout le temps ici, hein. C'est tout le temps suivi, ils adorent le football. Après les sports gaéliques, c'est vraiment le sport numéro un avec le rugby. Voilà, ça remplit les stades, il n'y a pas de souci, un match de l'équipe nationale, ça remplit 90 000 personnes à Croke Park sans aucun problème. Donc voilà, non, c'est énormément suivi. Dans tous les pubs, il y a au moins 4-5 écrans avec les matchs, voire des écrans géants. Il n'y a pas un pub qui ne retransmet pas les matchs. Non, et puis il y a énormément de communautés étrangères à Dublin, c'est très très cosmopolite. Donc on a aussi le droit, vous êtes là dans toutes les rues, on a le droit au drapeau de tous les pays, etc. Donc non, c'est très très très suivi. Et ils n'y sont pas, donc le plus ils peuvent aller regarder des matchs et chambrer les adversaires ou rigoler un peu, ça les va bien. Donc dès que la France et voir Thierry Henry assis sur le banc, pour eux, c'est un régal. Ils ont tiré des analyses plutôt sérieuses de ce match. Tu as des infos sur ce qu'ils pensent de chaque joueur de l'équipe. Est-ce qu'il y a vraiment un joueur qu'ils ont montré du doigt à part Thierry Henry? Ils ont montré personne du doigt. Ils ont du mal à comprendre certaines choses. Avant la Coupe du Monde, effectivement, tous les journaux anglais ou irlandais s'amusaient à pronostiquer sur les futures stars qui vont éclater pendant ce mondial. Gourcuff fait partie de tous ces pronostics. Ils ont énormément de mal à comprendre pourquoi Gourcuff était sur le banc hier. Énormément de mal. Maintenant, effectivement, ils ne comprennent pas non plus pourquoi quelqu'un comme Apeka, de qui, je dirais, Ancelotti à Chelsea, arrive à tirer un peu le meilleur en l'associant. Alors c'est vrai que c'est plus facile d'être associé à Drogba que de jouer tout seul en pointe, mais ils ont du mal à comprendre pourquoi Anelka est bon avec Chelsea et si mauvais en équipe de France. Et ils ont du mal à comprendre pourquoi Malouda est arrivé si tard côté gauche, alors qu'il fait une saison énorme à Chelsea, et que, comme je l'ai dit, la Première Ligue s'est énormément suivie ici. Donc voilà, pour eux, c'est vraiment les joueurs qui jouent en Première Ligue qui connaissent. Et là, pour le coup, ils ont vraiment, je dirais, ils peuvent vraiment juger. Pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, ici, ils sont fans d'Abu Dhabi, ils sont fans de Malouda. Voilà, c'est des joueurs qu'ils connaissent, donc ils apprécient beaucoup. D'accord. On va terminer ce podcast avec un concours de pronostics. Alors tout d'abord, on ne va pas pronostiquer sur le match qui est en train de se jouer entre la Slovénie et les USA, mais sur le match de ce soir qui opposera l'Algérie à l'Angleterre de Fabio Capello. Alors l'Algérie qui a plutôt déçu pour son premier match face à la Slovénie et l'Angleterre qui a ramené un bon match nul quand même face aux États-Unis. Alors plutôt 1-2-3, viva l'Algérie ou God Save the Queen? J'espère que l'Angleterre va gagner pour la paix de ma rue, mais pour la paix de mon sommeil. Mais sinon, j'espère voir l'Angleterre, parce que pour l'instant, on ne l'a pas vue. Donc, j'espère qu'elle va enfin arriver. Maintenant, ils ont des problèmes avec la défense centrale, parce qu'il n'y a presque plus de joueurs pour jouer. Et s'ils mettent Rooney dans la situation qu'il aime, ça peut vraiment bien jouer. Et puis l'Algérie, j'y ai jamais cru. Donc Angleterre, oui. Ouais, pareil. Pareil, l'Angleterre, très honnêtement, l'Algérie, je pense qu'ils ont tout donné sur leur match contre l'Égypte pour relâcher toute du monde. Je les vois absolument pas faire, enfin, c'est pas fort. Pour moi, c'est vraiment pas fort. Et voilà, l'Angleterre, même s'ils ont des problèmes derrière, effectivement, il y a Gareth Barry qui, a priori, devrait revenir pour ce match en tant que titulaire, ce qui devrait pouvoir séparer Lampard et Gerrard au milieu, puisque Gareth Barry va prendre la place de l'un ou l'autre. Et à mon avis, ça va faire remonter un peu Lampard, donc du coup, ça va un peu tout équilibrer, et à mon avis, ça va dérouler côté anglais. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a un très bon article à lire sur le blog eFoot.eu, sur donc justement l'apport de Gareth Barry dans cette équipe d'Angleterre. Demain, 16h, Ghana-Australie. Le Ghana qui devrait ressortir vainqueur face à une équipe d'Australie qui est assez faible tout de même. Et je ne sais pas si elle sera privée de Tim Cahill, si les cartons rouges ont des effets sur un match, je sais pas ça, mais oui, c'est faible, c'est l'Australie, j'espérais mieux vraiment. Après, je sais pas si contre l'Allemagne ils ont été très vite débordés et donc ça a influencé sur leur jeu, mais je dirais que le Ghana va s'en sortir, même si le Ghana, moi, m'a pas persuadé non plus face à la Serbie, ou c'est plutôt la Serbie qui s'est auto-condamnée. Je pense que ça peut être une victoire du Ghana, mais sans être étincelant, même si j'attends vraiment le Ghana qui a un potentiel énorme. Bon, ouais, moi c'est un peu pareil. Je vois effectivement l'Australie avec Tim Cahill, c'est moyen. L'Australie sans Tim Cahill, c'est faible. Donc moi je les vois plutôt bétonnés. Et le Ghana, c'est, moi ça m'a fait une belle impression, mais je parierais plutôt sur un bon 0-0 des familles. Je vois personne aller marquer un but ou quoi. Un bon 0-0 pour moi plutôt. Pays-Bas, Japon. Alors les Pays-Bas qui ont réalisé une entrée en matière assez moyenne, malgré une victoire 2-0 contre le Danemark, ils n'ont pas confirmé toutes les attentes qu'on avait en cette équipe. Aux très grands joueurs, qui affrontent donc le Japon, qui a gagné et qui a plutôt bien joué face au Cameroun, malgré un Cameroun décevant. Qui vous voyez, enfin, victoire des Pays-Bas ou victoire du Japon selon vous? Il faut régler les problèmes internes de l'équipe des Pays-Bas et puis ça roulera sans problème. Hein. Ça, c'est juste le problème parce que c'est tellement dément le groupe qu'ils ont qu'on se demande comment ils ont pu avoir autant de mal face au Danemark. Maintenant, peut-être que le Danemark est bon et ça, pas beaucoup se sont posé la question. C'est pas évident à bouger le Danemark. Hein. Voilà. Donc je pense que la Hollande va faire qu'une bouchée du Japon. Et encore une fois, les équipes asiatiques, on a l'impression qu'elles se sont préparées pendant 2 ans pour cette Coupe du Monde. Mais je parierais quand même sur une victoire de la Hollande. Et peut-être enfin la Hollande retrouvée qu'on aime beaucoup. Exactement pareil, il n'y a rien d'autre à ajouter là. Je vois la Hollande, mais je vois par contre moi le Japon passer avec les Hollandais dans le groupe. Alors le dernier match que je vous demande de pronostiquer, c'est Cameroun-Danemark. Donc deux perdants cette première journée de Coupe du Monde. Bah alors là, moi, ça va être assez simple. Si Paul Le Guen continue dans ce choix surréaliste d'aligner Stéphane Mbia arrière droit, de laisser des joueurs comme Alexandre Bresson ou Jérémy sur le banc, de mettre Ildo à l'aile droit, je vois pas le Cameroun faire quoi que ce soit. Très honnêtement, je vois pas le Cameroun faire quoi que ce soit. Je verrai dans ces cas-là, s'il change l'équipe, pourquoi pas, mais s'il la laisse comme le premier match, Danemark. Ouais, moi j'ai été intéressé par ce que le Danemark a fait en première période, surtout face aux Pays-Bas, où en contre, il se trouve, mais en même pas deux passes, c'est devant le but, c'est très très bien joué, et après c'est un bloc, comme tu l'as dit, difficile à bouger, et donc je pense pas que le Cameroun est pour l'instant capable. Le Cameroun est déçoit, et je pense qu'il va décevoir encore. Le podcast touche à sa fin. On remercie bien évidemment Stéphane à qui on souhaite une belle vie future en Irlande s'il décide de rester là-bas. Merci à vous. Baptiste, à demain, comme tous les jours, sur Football Ride pour le podcast. Au revoir à tous et à demain pour un nouveau podcast.